Il y a des verbes qui, avec je, finissent en go. Hein? G-O. Go. Je les appelle les verbes gogo. Comme par exemple le verbe avoir, dans le sens de posséder, qui se dit tener. Tener. Hein? Tener, c'est avoir. Hein? Alors, vous, usted, hein? Vous avez, ça sera tiene. Tiene. Hein? Et pourquoi? Eh bien, parce que vous accentuez le « et », c'est un peu comme si vous appuyiez dessus. Hein? Il finit par céder sous la pression, se scinde en deux et devient « ye ». Tiene. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas? Vous posez la question à usted. ¿Por qué no lo tiene? D'accord. ¿Por qué no lo tiene? Nous ne l'avons pas. No lo tenemos. No lo tenemos. D'accord. Mais pour dire j'ai, hein, c'est tengo. Hein? Tengo. J'ai. Et je l'ai, ça sera donc lo tengo. Lo tengo, oui. Et je ne l'ai pas. No lo tengo. No lo tengo. Et je dois le voir. Je dois, se dit tengo. Tengo que. Tengo que, tout à fait. Tengo que, c'est je dois. Donc, je dois le voir, c'est tengo que verlo. D'accord. Tengo que verlo. Donc, il y a quelques verbes qui, avec je, font go. G-O. Comme tengo, que nous venons de voir. Le verbe dire, en espagnol, c'est decir. Decir, oui. Et vous, hein, usted, vous dites dice. Dice, hein, bien. Et je dis, logiquement, ça devrait être dico. Mais au lieu de dico, c'est digo. C'est ça, digo. Donc, decir est un autre verbe, gogo. Alors, je vous dis, hein, a usted, c'est le digo. Le digo, oui. Et je te dis te digo. Te digo. Et pourquoi est-ce que tu ne me dis pas? Por qué no me dices? D'accord. Por qué no me dices? Et pourquoi est-ce que vous ne me dites pas? Vous posez la question à ustedes. Por qué no me dicen? Por qué no me dicen? Donc, jusqu'ici, nous avons j'ai qui se dit tengo. Tengo. Je dis digo. Digo. Et il y a un autre verbe qui se comporte comme tener et decir. C'est venir, qui se dit tout simplement venir. Venir. Hein? V-E-N-I-R. Venir. Ça s'écrit bien avec un V, hein, comme en français, mais le V se prononce comme un B. Donc, venir. Alors, il vient avec nous, se dira viene. Viene, oui. Con usted. Avec nous. Nous se dit nosotros. Con nosotros. Con nosotros, oui, ou con nosotras, s'il s'agit de femmes. Donc, viene, c'est il vient. Là encore, à l'oral, on accentue le e, qui cède et se scinde en ye. Viene. Hein? Viene con nosotros. D'accord? Nous venons, se dit. Venimos. C'est ça. On part de l'infinitif venir, donc venimos. Mais je viens, au lieu de vieno, se dit vengo. Hein? On a là un autre verbe gogo. Alors c'est comme tener qui donne tengo, venir donne vengo, hein, V-E-N-G-O, Vengo. Alors, on a tengo, on a digo, on a vengo, et faire se dit hacer. Hacer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous posez la question à usted. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hein? ¿Qué hace? Encore une fois. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oui. Et je le fais, c'est lo hago. Lo hago. Très bien. Lo hago. C'est un autre verbe. Gogo.